À l'occasion du 20e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti Travail de Corée et du 62e anniversaire de la fondation du Parti Travail de Corée, Abdoulaye Adamou, président du comité du développement agricole et rural relevant du Sénat du Parlement nigérien, a offert un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Il l'a transmis le 9 octobre à l'ambassadeur coréen en Nigérien.